Un rafio, un cuistot, des couteaux. Cette semaine, on a maté Piège en haute mer et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Piège en haute mer d'Andrew Davis, Under Siege, titre original, et Cuirassé en péril, titre québécois. Avec le thé pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Mickaël, bonsoir Mickaël. Bonsoir, j'adore le nouveau générique. Merci. Saison 2, hein. Tout est nouveau. Ouais. Nouvelle équipe. Julie, bonsoir Julie. Bonsoir. Et enfin Barbara, bonsoir Barbara. Bonsoir Antoine. Ce soir, nous sommes 5 pour parler de Piège en haute mer. Il faut moins ça. Andrew Davis, sorti en 1992 de 103 minutes avec Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Buzet, Erika Eleniak. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Je sais que vous le trouvez bon cuisinier. Oh, il est plus que ça. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point. C'est pas frapper un officier, ça, voyons. Ça, c'est frapper un officier. Aïe, pas de cuisine. Vous connaissez Kazé Ryback ? Le chef Ryback, monsieur, un élément de grande valeur. Le mec qui fait ça est un professionnel. C'est un cuistot, un simple cuistot. Ce n'est pas le travail d'un cuistot. Voilà, voilà. Donc, une heure et demie pour se rendre compte que c'est donc effectivement pas le travail d'un cuistot. Rien que la bande-annonce me comble de bonheur, déjà. Moi aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Bah, j'ai étonnamment pas détesté. Enfin, bon, c'était pas bien non plus, hein, je vais pas mentir. Hein, mais c'est passé, quoi. Enfin, je savais ce que... Enfin, tu vois, moi, je savais ce que j'allais voir, quoi. Méga long. Non, c'était pas... Méga long. C'est pas long, hein. Non, sans bah problème. Non, mais ça s'est passé tout doucement, hein. Ouais. Nickel. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai pris la décision, en fait, d'arrêter de regarder les films parce que je ne verrai jamais plus rien d'aussi bien que Piège en haute mer, quoi. Ouais, mais c'est toi qui as proposé, en plus. C'est moi qui ai proposé ce film. Je l'avais pas vu depuis très longtemps. Et j'ai vraiment pris juste un pied énorme à revoir ce film. J'ai vraiment adoré. On a vu le même film, hein, on est d'accord. Hein. On a vu le même film. D'accord. Ouais. Julie? Moi, j'avoue que j'ai beaucoup ri, mais je le mettrai pas dans mon top 10, quoi. Non, mais et pourtant, il est dans le top 1 de Mickaël. Vous ne voyez pas les images, mais je suis en train de high-fiver Mickaël. J'ai adoré Piège en haute mer. Je l'avais jamais vu. J'étais sûr que ça te plairait. Il y a tellement de liens avec Die Hard. Mais ouais. Juste, ah ouais, mais c'est tu remplaces Steven Seagal par Bruce Willis, ça peut être un de mes films préférés. C'est la seule erreur de casting. Le film, je le trouve hallucinant comme il est cool. Il est super bien. Mais il va y avoir 9 méthodes pour fabriquer des bombes. Ouais. Notamment l'une avec des préservatifs. Inédite. Il est trop bien, mais pour. C'est vrai que c'est un mélange du scénario de Rock et du scénario de Die Hard, en fait. C'est vraiment genre. C'est hallucinant. Mais ça me fait penser à Rock, ouais. Juste, moi, j'aime pas trop Steven Seagal, donc j'étais un peu frustré, mais j'ai adoré ce film. Je me suis éclaté aussi, quoi. Ah, j'ai pris un pied en fer. Voilà. Donc, il faut quand même un petit résumé de cette histoire, Greg. Bah, je vais vous lire un résumé. Hein. Alors qu'il entreprend son dernier voyage direction San Francisco où il doit être désarmé, le navire de guerre emblématique USS Missouri et son équipage sont pris en otage par un groupe terroriste. À sa tête, un soldat dissident défouraille à tout va et prend rapidement le contrôle des opérations. L'équipage enfermé dans la cale est impuissant face à la menace qui gronde. Du tout cuit pour les terroristes qui ont néanmoins négligé un détail. Steven Seagal, le cuistot en chef, un cuisinier expert en bouillabaisse et en arts martiaux, bien décidé à mettre son grain de sable dans la machine. Non mais avec le synopsis, il est déjà exceptionnel. Ah bah ouais. Avec le synopsis, il est formidable. Donc voilà, ouais, c'est grosso modo un bateau avec un milliard de militaires qui, eux, ne savent pas se battre. Voilà. Et un cuistot qui est juste l'homme le plus dangereux de la planète. Je fais quand même une parenthèse dès le début. En fait, j'ai trouvé que à chaque fois, je disais « Ah non, mais ça, c'est pas possible. » Et à chaque fois... Par la suite, j'avais la réponse et je me disais qu'il y avait un mec qui avait vraiment bossé le film pour dire ah les incohérences on va les bosser. Il y a assez peu d'incohérences, hein. J'en ai noté très peu. Il y en a aucune. Il y en a aucune. Il y en a aucune. À part le postulat de base. et encore c'est quand même justifié, c'est expliqué au cours de l'histoire. Non mais à un moment c'est le fait que tu aussi avec des tout le monde. OK, personne se défend. Enfin, c'est l'ancien marine, voilà. C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Dégradé. Oui, bah oui, forcément. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Greg, il y a pas mal de moments où tu te fais ah non, quand même. Et puis hop, justification dans la demi-seconde. Où tu dis, ils sont non, mais tout tient la route, quoi. Ouais, tout tient la route. Ouais. Bon, à la fin, il y a quand même un petit peu des trucs. On va en parler. Non, tout tient la route. Donc, le postulat de base, c'est effectivement Steven Seagal qui est cuistot sur un énorme cuirassé. C'est un bateau. Alors j'ai vérifié parce qu'il y a quelques petits problèmes d'incohérence. Le USS Missouri. Ouais. À son bord 1851 hommes d'équipage. Dans le film, ils sont entre 45 et 100. Non, mais non, avec tous ceux qu'il y a dans la cale et tout. Là, ils sont nombreux quand même. Franchement, ils sont une centaine. Quoi. Ouais, enfin, sont on n'est pas du tout à 1800. Ouais. T'imagines 1800 personnes pour les déplacer. Déjà, c'est une nuit. Quoi. Alors, c'est... et donc, il est le cuistot en chef de 1800 personnes. Il a une équipe de genre 5 cuisiniers. Donc, je sais pas comment c'est possible. Ouais. Il y a une bonne ambiance en cuisine, tu sens qu'il est aimé. De, ouais, ça des danse autres. Et tout, c'est assez sympa. Ouais, ouais, ouais, ouais. Pour un mec qui a l'air d'avoir une carrière dans la cuisine de quelques années, puisque avant il n'était pas cuisinier, je trouve qu'il s'entend plutôt bien avec tout le monde. Mm-hmm. D'ailleurs, enfin, si, il y a quand même des incohérences, parce que je suis désolé, mais quand tu te fais virer de l'armée, tu restes pas dans le rafio à faire le larbin pour ton chef que tu connais, quoi. Tu te barres du bateau, tu vas faire autre chose, quoi. Ou si tu es cuisinier, tu vas faire ça à Honolulu où tu veux, mais pas sur le même rafio, quoi. Ouais, ouais, mais quand t'as l'amour du produit, c'est la c'était... c'était sur le même bateau? Bah ouais, vu qu'il connaît le boss. Non ouais, c'est le boss en fait qui l'a conservé, qui a tenu à ce oui, qu'il ouais, reste son bateau. Eh oui. Comme bon. Son chef personnel. Ouais. Exactement. Oui. L'amiral, ouais, donc le grand grand capitaine du bateau. C'est le seul à connaître Steven Seagal, c'est son petit chouchou, on le comprend et d'ailleurs, tout de suite. Ouais, c'est le seul à savoir ce qu'il était avant. Ouais. Ouais. Et ouais, il le cache il est, dans son coffre-fort. Il n'était pas sur le même bateau avant. C'est un problème qu'il a. Non, il n'y a pas du tout d'incohérence. Voilà, on n'a pas compris. Donc, c'est l'anniversaire de l'amiral et il faut lui faire une surprise. Du capitaine. Et du capitaine. Soyons précis hein, dans les grades, s'il vous plaît. Hein. Ouais, je demande si c'est pas amiral le grade, justement, du mec qui dirige le, l'USS. Ouais. Non, l'amiral, c'est celui qui est au téléphone. Bon, alors. Non, c'est le commandant. Alors. Bon, c'est son anniversaire, on s'en branle de qui c'est. C'est lui qui commande, c'est son anniversaire. De toute façon, c'est le mec, on dirait qu'il est sorti de la croisière s'amuse. C'est oui, ça, quoi. Ok, bon, c'est cool, c'est le bon. Et du coup, comme c'est son anniversaire, et ben, on peut enfreindre toutes les règles de sécurité. Parce que, bah non, c'est une surprise pour le capitaine. On n'a pas besoin de le mettre au courant. Ouais. Et donc, ils font venir un hélicoptère avec à son bord, Mickaël. T'étais pas à son bord, mais je te demande. Pardon, à son bord. Non, j'étais pas à son bord. Hein. Non, avec beaucoup de monde, ouais. Et notamment Miss Juillet 89 et Philippe Manœuvre. Tommy Lee Jones se joue ouais. Philippe Manœuvre. Le premier truc que j'ai noté, c'est donc MacGyver déguisé en chanteur d'Aerosmith arrive dans l'hélicoptère. C'est ça. Ouais. Non, mais moi j'ai vraiment confondu avec. Bah, moi j'avais très sobrement Keith Richards, mais c'est nul à côté. Non, mais c'est vraiment Philippe Manœuvre, quoi. Grave. Non, on va passer une soirée d'enfer au bord de Missouri, lui dit. Mais en plus, il fait que des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que c'est un des seuls films où Tommy Lee Jones sourit, en fait. Genre, affiche des sourires, parce qu'après, il a fait la gueule pendant toute sa carrière, concrètement. Ouais. Mais il a de quoi sourire. Mais juste quand même, peut-être inviter les auditeurs à aller voir juste une photo de Tommy Lee Jones dans ce film, c'est juste à mourir de rire, quoi. Tommy Lee Jones en Philippe Manœuvre et la première plan où tu vois Steven Seagal avec une toque de cuistot, c'est le moment où tu ris. Mais moi j'ai pas bien compris son truc de rockstar en fait, tout ça c'est faux. Alors oui, en fait, parce qu'en fait il a l'air d'être une rockstar connue quand même. Mais oui ça parce que le mec s'est fait chier à faire une carrière. Bon alors ça, c'est le but. Dans le but d'attaquer un bateau dans 10 ans, je vais quand même essayer de faire carrière dans le rock. Tu sais ce qui s'est passé, parce qu'en fait il est de la CIA je crois et il a été envoyé au Vietnam pendant les années 60, et c'est pour ça qu'il veut se venger. À un moment, il le dit au mec de la CIA, c'est vous m'avez envoyé au Vietnam dans les années 60 et vous m'avez fait louper les 60s, quoi. Parce qu'il voulait devenir rockstar. Je comprends qu'il ait la rage, hein, putain. Bah, après, c'est pour ça qu'il est bien vénère, quoi. Bon. Mais c'est pas parce qu'ils ont essayé de le tuer. Il y a plusieurs raisons. Il y a aussi la couche d'ozone, je crois. Il devient un peu écolo. Mais... le méchant général Krill. Il est méchant, hein. Le sous-commandant, pas le commandant. C'est comme dans tous les films, c'est-à-dire c'est le second, c'est pas l'ami du grand général qui aime notre héros Steven Seagal, c'est l'autre qui le déteste. Évidemment, c'est lui le méchant, donc ça tombe bien. Mm-hmm. Il va cracher dans la soupe. Ah ouais. Alors ça, c'est une scène qui est mise de Steven Seagal. Et là, quand tu craches dans la soupe c'est de Steven Seagal. Il y a deux choses qui sont hyper dangereuses dans la vie. C'est changer une ampoule quand tu prends un bain et cracher dans la bouillabaisse de Steven Seagal. C'est les deux trucs à jamais faire. Ouais. C'est vraiment ça qui déclenche la baston. C'est quand même... Ouais. Bah, surtout, à un moment, je crois qu'il commence à secouer un peu notre ami général Krill. Et ils lui font « Vous êtes en train d'attaquer un officier ?» Il fait « C'est pas ça, attaquer un officier, c'est ça !» une énorme droite dans la gueule. Donc du coup, le commandant en second l'enferme dans le frigo de la cuisine. Voilà, très malin. Ouais. Bah, ce qui va permettre finalement que les terroristes qui vont prendre d'assaut le bateau dans quelques minutes ne s'aperçoivent pas qu'il y a quelqu'un dans la chambre froide et du coup, il va être tranquille. Voilà. Ouais, tranquille. Du coup, là, c'est la fête qui commence. C'est la grande fête. La fête commence. Formidable. Ça commence à chauffer. Manœuvre, il va sur Donc, en fait, il faut expliquer. Manœuvre, il va sur scène. Il commence son petit concert de rock. Voilà. Il faut expliquer que tous les gens qui étaient présents dans l'hélicoptère, en fait, sont des terroristes. Oui, mais aussi des musiciens. D'ailleurs, tu fais bien de le souligner. Sauf Miss Juillet 89, qui est censée sortir du gâteau à moitié à poil. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans cet hélicoptère, en fait? Elle est complètement gogole. D'ailleurs, elle est habillée exactement comme dans Grease. Je pense qu'elle sort de Grease, en fait, concrètement. Et on est d'accord que cette femme a les sourcils d'Emmanuel Chin. Elle est gommée, elle est super bien gaulée. J'ai pas vu ça tout de suite, moi. Dans la scène du gâteau, là. Moi, je trouve surtout qu'elle est gaulée années 90, quoi, pour le coup. Est-ce que c'était vraiment Miss Juillet 89? Bah, oui. Ça, on savait. Attends, mais truc qu'avec Greg, on a fait pendant le film. Juillet 89. Ah, c'est les mêmes nibards. Et d'ailleurs, à un moment, on voit un exemplaire du journal Playboy, je ne sais pas si vous en souvenez. Oui. Playboy, non, c'est quoi, c'est... Ouais. Et c'est le même exemplaire qu'on voit dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est le même numéro avec la même couverture. Bah, il réutilise par souci d'économie. Oui, c'est ça, il y a un numéro de Playboy dans tous les films d'Hollywood. Exactement, en fait, il tourne. Ça coûtait cher, hein, ça coûtait drôlement cher. Surtout le numéro spécial calendrier. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas bien, c'est que bon, alors Steven Seagal, il est dans sa cave là. Là où c'est la teuf, il y a le mec qui se déguise avec Lenny Barr et tout. Ouais. Et le capitaine, justement, ou le commandant, je sais pas comment on l'appelle en fait, lui, il est tout seul dans sa piole en train de lire. Oui, mais c'est parce que ils vont lui faire la surprise. Le mec, il entend bien qu'il y a putain de Philippe Manœuvre qui est en train de chanter. Ouais, mais au tout début, t'as le second commandant là, le méchant Krill, qui lui explique que je sais pas, qu'il faut faire semblant. Qu'il faut faire semblant parce qu'un de ses potes veut lui faire la surprise pour son anniversaire et pour la dernière. En moi, gros, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Prise d'otage ultra réaliste. Et je trouve que la scène, parce que la scène, elle est hyper cool. Vraiment cool. Ouais. Elle est vraiment. En fait, elle est hyper surprenante parce que. Il faut arrêter de dire, il faut expliquer, et tu me regardes en mode, c'est moi qui vais expliquer. Si tu dis ça, non, c'est toi qui explique. Fais-le. Il y a Philippe Manœuvre en plein concert, tu vois, et à un moment donné, il arrête la musique, enfin, à la fin d'une chanson, et il demande quel est l'officier le plus haut gradé dans la salle. Ouais. Et donc, il y a un mec qui dit Moi. Et il dit enchanté de faire votre connaissance, et il le flingue devant tout le monde, et là, la prise d'otage commence, quoi. Et c'est hyper bien foutu. Hein. Et c'est hyper bien foutu, parce que tu t'y attends pas, en fait, quoi. Mmh. Ouais, même après, tu dis, il va y avoir des problèmes. Bah, surtout quand tu lis en question, que prise d'otage et tout, et en fait, après, ils font plein, ils ont filmé toutes ces scènes des mecs qui descendent les escaliers, parce que tu dis, sinon, ils iraient se planquer partout, et en fait, non, c'est vraiment filmé. Par contre, c'est absolument impossible que 30 personnes dans un hélicoptère puissent prendre d'assaut un bateau de 1900 personnes. Quoi. C'est-à-dire, ils sont combien dans cet hélico, quoi? Ouais. D'un autre côté, ils font quand même après, en sorte que tout armés, le monde soit là pour la ils sont hyper organisés. Ouais. T'as déjà vécu ça, toi? Eh ben non. Deux fois, c'était plutôt bien passé. Et bien, pareil, il y a toujours ces petites scènes qui servent à rien, mais qui sont marrantes. C'est genre, d'un seul coup, c'est le montage prise d'otage. Donc, tu vois plein de mecs qui rentrent dans des cabines, nanana. Ouais. Et t'as des mecs qui descendent le bateau en rappel. Ça sert à quoi? Peut-être tu peux descendre par l'escalier. Hein. Non, il faut absolument faire un système de grappin, trop chiant. Non, là où je me suis dit, ce qui se passe justement pendant la prise d'otage, c'est ce que je disais au début, c'est qu'au bout d'un moment, moi je me dis, ah ouais, il y a personne qui réagit, c'est tous des militaires, ils vont tous monter dans les tours, mais il y a personne qui réagit, et hop, il y en a un qui réagit, qui se fait buter, du coup ça calme tout le monde. Ça, c'était pas si mal fait. Pas mal. Oui. En fait, il tue en plus le mec qui réagit et le mec qui est derrière. Il y a chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va se révolter, on le tue et la personne qui se révolte. En gros, il y a grosse domination, quoi. Début du chapitre, seul contre tous, ma gueule. Et du coup, il faut préciser quand même, il faut préciser que Krill, déguisé en Madame Doubtfire, va quand même buter le capitaine. Ah oui, il va buter le capitaine. Ouais. Ouais, alors en fait, il se déguise en femme parce qu'il fait croire que c'est lui, Miss Juillet 89, évidemment. D'ailleurs, la vraie Miss Juillet 89, tout le monde l'oublie. Ouais. Elle est sous Prozac, elle est en train de dormir. Vrai, quand il y a une prise d'otage, c'est facile de se faire oublier en même temps quand t'es mis. Et d'où la question, pourquoi est-ce qu'il a ramené... Moi, je te garantis que personne t'oublie. T'es pas en sécurité, mais... Ouais, sur un bateau de 2000 mecs... Mais surtout après, Tommy Lee Jones, il est là, genre, ouais, allez me chercher à manger et tout. C'est sûr qu'il s'est mis juillet 99, il va lui casser les couilles, c'est obligé, quoi. Alors, là où ça marche pas, je trouve, moi, c'est qu'au moment, justement, où là, ils emprisonnent tous les gars... ils ont tous un poste, c'est-à-dire que Tommy Lee Jones, il va au machin, il fait son truc, le blond, il va dans les papiers, ils sont tous ultra organisés. Le blond, il est dans le rafio depuis 6 ans, quoi, tu vois. Donc comment il a organisé ça avec Tommy Lee Jones? Ça, on se demande. Pour moi, ça marche pas. D'ailleurs, dans l'équipe de hackers, entre guillemets, t'as quand même Steve Jobs, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. c'est vrai. Putain, moi, j'avais Phil Collins. Moi, j'avais noté un officier nazi, donc concrètement... Il y a Danny Boone également. Oui, grave. J'ai exactement noté les mêmes. Mais ce qui est marrant, c'est que ce bateau, il faut 1850 personnes pour que ça fonctionne. Là, ils sont 14 et ils ont l'air d'y arriver. Tu pourrais réduire les effectifs, à mon avis. Hein. Ouais, mais il y a de la préparation. Il y a beaucoup de préparation. Ouais. J'aimerais qu'on fasse un point Steven Seagal tout de suite, parce que là, maintenant, il se retrouve tout seul contre tous. Et d'abord, un petit extrait. Le dossier de Ryback n'était pas avec ceux de l'équipage. Il était dans le coffre du commandant. Ryback était dans les forces spéciales. Ce salaud de cuistot était un commando. Taisez-vous et écoutez. Expert en arts martiaux, en explosifs, en armement et en tactique, décoré de la Silver Star, de la Croix de la Marine, de la Purple Heart. Toutes ses habilitations lui ont été retirées après Panama. Ça veut dire qu'il ne pouvait prétendre qu'à un poste subalterne, gratte-papier au cuistot. Comment je pouvais le savoir? On vient de perdre deux hommes de plus dans la salle des machines. Ah, on vous avait dit de vérifier les dossiers de tous les hommes sur ce navire. Je sais ce qu'on m'avait dit, mais je n'avais pas accès au coffre du commandant à cette époque. Je vais m'occuper moi-même de ce fumier. Non, calmez-vous. Vous voulez vous faire tuer? Vous êtes idiot ou quoi? Putain, mais il y a Harrison Ford. Ouais, ils sont tous là. Donc en fait, il est, on l'a vu, il est pas cuistot, il est commandant Purple Heart, le mec, il a un nombre de décorations pas possible. Et alors il va faire, il y a beaucoup de méthodes, il y a les couteaux de lancer, il y a le... Ça c'est bien ça. Alors déjà, bah oui, effectivement, parce que c'est assez marrant, parce que la scène où justement le commandant second crache dans sa bouillabaisse, une fois qu'il est parti, Steven Seagal est très énervé. Ah non, c'est un peu avant, ouais. Il est énervé, enfin bref. En fait, il chope un couteau sur le plan de travail et il le balance sur une cible qui est dans la cuisine. Déjà, je me demande pourquoi la cible, qu'est-ce que fout la cible dans la cuisine. Personne s'est dit, hey, il est drôlement bizarre le cuistot là. C'est chelou. Il tire bien pour un... Puis t'as vu ses couteaux. Ouais, donc il manie quand même plutôt pas mal l'opinel. Ouais. Hein. Alors dans ce film, il n'y a pas le mal de meurtres, ça s'appelle les meurtres à la Tintin, c'est-à-dire un coup derrière la nuque et tu tombes silencieusement. ça n'existe pas. Tu veux dire un coup de dos de pistolet ou... C'est du chloroforme. Oh. Et tu t'endors. Et il va faire, et mais c'est pour ça que Goss, mais j'aurais été excité à l'infini, il fait 1 milliard de pièges. Ouais. Avec, tout au long, je les ai notés. J'ai aussi noté le nombre de personnes qui tuent. Moi j'ai dit que c'était un maman j'ai raté l'avion dans un bateau un peu. Ah il y a pas ça. Ouais. Alors pas les petits pièges avec les Hot Wheels. MacGyver aussi quand même pas mal. Hein. Il est très fort. Ouais, il est très fort. Steven Seagal est très fort. Hein, et il y a une chose qui me fait assez rire sur le plan scénaristique en fait, c'est que il se rend compte hyper tard qu'ils ont oublié le cuistot dans la chambre froide en fait. Ouais. Non, mais donc, ils oublient plein de gens. Enfin, donc, ils vont le chercher, et c'est parce qu'ils vont le chercher que lui, du coup, sort de la chambre froide et tue tout le monde. C'est-à-dire que s'il avait oublié définitivement, il serait mort de froid. Il aurait pu prendre tous les gens. Mais non, mais encore plus con, les mecs, ils descendent et ils disent bon, bah, il est dans la chambre froide, on le laisse là. C'est pas on va ouvrir, on va le tuer. Mais vous êtes débile, c'est Steven Seagal dedans. Ouais, mais lui, il pense que c'est un cuistot. Donc, on avance un petit peu. Les méchants, donc. Mangent de la viande. Ils citent les Rolling Stones. Ah oui, j'ai mis barbecue en salle des commandes. Ah, voilà, c'est parce que Philippe manœuvre a faim. Mmh. Et donc, quand il a faim, il mange de la viande crue. Mais surtout qu'il la balance à ses amis. Et un truc totalement inexpliqué. Ils refont la dégo du bateau. Mais non, mais si, c'est pour des soudures, par contre. Ouais, tu sais pourquoi? C'est pour ce côté Flashdance. C'est expliqué, c'est parce qu'ils veulent déplacer les missiles. Ils veulent amener les missiles dans le sous-marin. C'est comme ce que, enfin, tu vois, c'est quand tu le vois pour la première fois, tu fais, qu'est-ce qu'ils font? C'est intriguant. Oui, d'accord. Donc ils mangent de la viande crue, mais du coup, si Steven Seagal l'avait pas tué, il serait sûrement mort du ver solitaire. Avant que Steven s'évade, parce que ça va pas tarder, hein, il s'évade assez vite au bout d'une demi-heure du film, donc c'est assez. Il nous laisse encore plein de trucs. Hein, moi j'ai fait là, putain, allez, sors de ton truc. Alors, il faut savoir que Steven Seagal ne commence à avoir froid dans une chambre froide qu'à partir de 1h20. C'est là qu'il met, c'est tout à la fin qu'il met son premier petit chandail, il met un petit truc. Mais il se fait un petit truc, hein. En vrai, t'es sous 40 cartons, t'es trop mal. Bah non, mais il aurait pu prendre des morceaux de jambon et tout. Non, enfin, il aurait pu boxer des jambons en attendant. Ouais, il faut quand même expliquer en fait le plan de Philippe Manœuvre. C'est quoi? C'est de prendre un rafio qui est énorme, où il est sûr qu'il est repérable, qu'il va se faire choper et faire quoi? Et vivre dedans après, une fois qu'il aura zigouillé tout le monde. Il va partir en hélicoptère. Ils veulent décharger les bombes pour les utiliser, pour prendre le contrôle, enfin pour avoir le pouvoir. Bah, ils sont de quoi? Ils demandent même pas de la pub. C'est la société moderne. C'est comme ça, l'homme est un fumier. J'ai toujours pas compris pourquoi il faisait ça, quoi. Bah pour l'argent, non, mais de toute façon, il le dit à la fin. Non, c'est pour l'argent. Le chaos. Non, mais il dit le chaos. Non, c'est parce qu'il a loupé les 60s. On est d'accord. Il le dit à la fin, il fait qu'est-ce que tu ferais toi avec 20 millions de dollars et ils font un high five. Mais après, les mêmes bails que dans Rock, quoi. C'est genre le gouvernement américain me l'a mise à l'envers et j'ai envie de me venger. Enfin, c'est un peu les mêmes motivations. Moi, je trouve que Ed Harris est bien plus convaincant en méchant que Philippe Manœuvre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, maman, j'ai raté l'avion. Vous n'avez pas trouvé que les deux mecs qui vont chercher Steven dans la chambre froide, en fait, ils ont des bonnets et on dirait vraiment Joe Pesci. En même temps, j'ai des M5. Hein. C'est un peu plus dangereux, quoi. Et donc il va s'enfuir, il va s'évader. Et ben voilà. Il va aller dans la cale du capitaine. Ouais. Et il va tout comprendre de lui-même. Ça, j'ai trouvé qu'il avait plutôt pas mal de bons réflexes. Ouais. Et en même temps, il entend ce qui se passe depuis le début, quoi. Et il va rentrer en contact avec la stripteaseuse. Ouais, ouais. En fait, il va la découvrir. Ouais. Il arrive dans la pièce où est censée se passer la cérémonie, la fête. Ça. Et en fait, elle sort du gâteau. Ouais, en fait, il va buter dans le gâteau d'abord, qui va s'allumer. Et c'est pour ça qu'elle sort. Ouais. Si la nana, elle attendait son signal. C'est clair, ça. Elle n'a pas entendu les 2500 coups de feu qu'elle avait pris. Non, mais attendez. Non, mais surtout, je reviens sur buter contre le gâteau. C'est le mec, c'est l'homme le plus adroit du film. C'est pas une connerie. Là, ah merde, je me suis pris les pieds dans la prise. Bam. C'est vrai que tout le long du film, il se fait pas trop blesser, le Gus. Hein. Mais le gars, il a des réflexes de fou et là, il bute contre un gâteau de 2 mètres. Bah, comment il fait, quoi? En vrai, moi, j'ai un peu kiffé l'évasion. Là, j'étais grave avec lui. Je fais, allez, vas-y, si tu veux. Il commence à faire des trucs et tout. J'étais un peu content, quoi. Mais non, mais le piège du micro-ondes, c'est l'exception, quoi. Ah, moi, j'ai cru qu'il faisait un thé au début. Ah, une tisane, il a raison. Après, avec l'aventure qu'il s'apprête à vivre, c'est une bonne idée. Non, mais pareil, tu sais, il pose un piège et on se dit, putain, et ça va servir 10 minutes plus tard. Et quand ça explose, tu dis. Ça, c'est la ça, c'est cool, hein. Les préparations de paiement, elles sont vraiment bien. Tu les oublies, en fait. Les préparations de paiement. Oui, une préparation et un paiement, en fait. C'est quand dans un scénario. Ah oui, j'ai cru que c'était préparation de paiement, genre. Tu sais, en fait, société de vente. L'addition, s'il vous plaît. Dans un scénario, quand tu plantes quelque chose qui te sert, genre beaucoup plus tard dans le film, ça s'appelle une préparation et donc un paiement. Préparation de paiement. Et quand c'est bien fait, c'est que tu l'oublies et tu fais ah oui. On est dans la confidence là. Tu feras un court scénario hors série. J'aimerais bien, ouais. Et donc ensuite, il va un petit peu échanger avec sa nouvelle amie. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Jordan Tepp. Je suis Miss Juillet 89. J'ai été engagée pour sortir du gâteau. Mais j'étais malade à cause de l'hélicoptère, alors... Alors il y a un type qui m'a donné des cachets. Je sais pas ce qui s'est passé, après je me suis endormie. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce blabla à la con? Je suis une actrice, d'accord? J'ai fait un Rick Hunter pour la télé et je sais que c'est pour la vidéo. Et mon agent, quand il a appelé, il m'a dit que j'aurais seulement à bondir du gâteau. Dans l'hélicoptère, vous étiez combien? Je sais pas, mais il était plein. Il y avait un orchestre, des tas de... Qu'est-ce que c'est que ce blabla à la con? Non mais là, dans mes notes, elle est passée de l'aplémette à Gogolita, quoi. Moi, je l'ai notée en la pleureuse, voilà. Parce qu'elle pleure très très souvent, quand même. On dirait le papy dans les Simpsons, quoi, surtout la voix qui tremble. Alors, parce qu'il fait assez mal. C'est dommage que t'aies pas mis l'extrait jusqu'au bout, parce que moi, il y a la dernière réplique de Steven Seagal qui me fait mourir de rire, où elle lui fait « Mais alors, vous êtes quoi, un agent des forces spéciales ?» Et puis, il lui fait « Non, je suis cuisinier. » Et donc là, il décide de, comment je pourrais dire, de monter dans les tours. Parce que là, il va aller, la scène d'après... Il va aller exploser l'hélicoptère devant tout le monde. Il va tuer, je note les morts, il va tuer 11 mecs dans la scène qui va suivre. Comme le petit tailleur. Balles de flingue, tout. Donc là, il va faire exploser l'hélico. Et il va retrouver ses potes. Il va libérer ses potes de prison. Et ils sont en prison en train de jouer aux cartes, c'est plutôt cool. Pour eux. Ouais, ils avaient l'air plutôt. Ils sont enfermés dans leur chambre, en fait. Il y a un truc qui m'a fait hurler de rire. Il passe et il fait c'est soudé. Et là, parce que les méchants, ils ont vraiment soudé les portes au chalumeau et tout. Super réaliste encore. Ah, très cool. Le plan d'après, il se retourne. Il a les lunettes de soudeur. Il est dans un bleu de travail, tu sais. Non, mais, c'est-à-dire que les mecs, ils ont soudé. Mais pour être sûr que si jamais on a envie d'ouvrir la porte, on laisse le fer juste à côté. Les lunettes aussi, parce que sécurité, quoi. Mais il a tout l'accoutrement, ça m'a fait trop marrer. Quoi. Il y a même marqué port du casque obligatoire à côté. Il donne aussi un espèce de flingue énorme à Gogolita. Oui. Il a Sauf que 20 minutes plus tard, tu t'aperçois qu'elle va défoncer tout le monde et qu'elle pleure plus quoi. Enfin, c'est parce qu'on n'a pas eu de préparation paiement. Et donc là, pareil, encore. Excellente idée de scénario. Le méchant, il se dit bon, ce mec-là va me casser les couilles pendant tout le film. Il faut que je lui tende un piège. Là, lui, c'est pas que c'est un film, hein. Ah bon? Ah ouais, merde. Non, et la seule manière pour qu'on le chope, c'est simple. On va couler l'équipage. Et c'est tellement un héros. Mais si, il sait que c'est un film, puisqu'il sait que c'est un héros. C'est tellement un héros, le gars, qu'il sera obligé d'aller les sauver, quoi. Et il va y aller. Et d'ailleurs, tous ses potes, ils lui disent non, mais il n'y va pas, c'est évidemment un piège. Il fait et c'est pour ça que je vais y aller. Ah ouais, ça se tient. Ah ouais, ça marche alors. Bien sûr, ça marche. Eh ben vas-y. Et alors là, c'est un peu le dernier chapitre. Ça va bien s'enchaîner. C'est la domination par la force, par l'arme à feu. Juste une petite parenthèse, il y a un moment qui... alors je sais pas si tu y es encore, j'arrive pas tellement à le situer dans la chronologie du film. Il y a un moment qui me fait mourir de rire, c'est qu'en fait il pose une bombe sur le sous-marin, parce qu'il faut dire que c'est bien après. D'accord. Remballé. J'aimerais bien qu'on m'explique comment il a fait pour convaincre tous ces gars de venir avec lui, parce que Steve Jobs là justement il a 70 balais, il est un peu sur leur tour au radar là, tu sais. Il est genre, mais bon Steve, viens voir, j'ai un petit projet pour toi, ça te dira, on va attaquer un truc ultra gardé et puis après tu verras, on va faire le chaos et tout. Oh bah ouais, d'accord. Faut m'expliquer comment ça se passe, et puis les musiciens et puis enfin tous les gars qui viennent quoi, les mercenaires, ça sort du le mec quoi. Le mec à la base il joue de la gratte, tu vois. Ouais mais pourquoi pas, j'avais envie de changer un peu d'air. Là, mon dernier disque, c'est plutôt mal vendu, donc ouais, une prise d'otage sur un bateau, ouais, pourquoi pas. J'ai deux dates qui sont annulées dans ma tournée. En plus, j'ai des dispos en mars. Ouais, bah ouais. Ça va durer combien de temps à peu près? Une semaine? Oh, c'est pas mal. Et alors après, donc là j'ai noté, je vais vous donner dans l'ordre, j'ai une liste. Il va tuer, alors, quatre mecs avec un double MP5 croisé, c'est-à-dire il a une mitrailleuse dans chaque main. Ouais. Et au lieu de tirer, tu vois, ma main droite qui tire à droite et ma main gauche qui tire à gauche, il croise, ça c'est cool. Ça n'a aucun intérêt, je sais pas du tout. Mais oui, c'est alors ça pour le coup, il est dans un couloir, stabilise. Du coup il tire à gauche et à droite. Ah, je suis content qu'il prenne la défense. Il va faire un meurtre à la barre de fer. Ouais. Parce qu'ils avaient suspendu des barres de 200 kilos. Ah ouais, ça, c'est hyper impressionnant. C'est un peu craque. Ah, c'est cool. Alors la barre est tenue par un nœud marin. Le nœud le plus fragile du monde. Il tire dessus, paf, la barre tombe, c'est super dangereux. Il tue deux mecs comme ça. Couteau de combat, il va tuer trois mecs. Et il est habile, hein. Il est une machine outil, il va tuer un mec. Ça tombe bien parce qu'il fallait une scène de combat de couteau. Et du coup, ils ont fait, bah t'as qu'à aller dans une salle où les méchants, ils ont pas de flingue et tous des couteaux. Ouais. Tout le monde au couteau, ouais. Et il en étouffe deux avec un oreiller. Il va faire la bombe. Putain, bombe avec une bouteille de plongée, mais ça c'est exceptionnel. Ouais, c'est formidable. C'est marrant parce que en fait, mecs. On le voit, ça fait vraiment séquence MacGyver en fait. C'est-à-dire qu'on voit des plans qui s'enchaînent très rapidement où tu le vois bricoler machin et tu dis qu'est-ce qu'il fait. Enfin bon, tu sais qu'il démonte une bombe et tout. J'imagine trop qu'il fasse un lampadaire. Un lampadaire à 5 euros. Regarde, donc, avec les restes de métal, j'ai fait un cendrier. Regarde. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il utilise un préservatif. Ouais. Donc Steven Seagal est allé en mission sur un bateau avec que des mecs avec des préservatifs. On a mis la jaquette. Bien joué. Très bien joué. Pour être exhaustif, il tue 4 mecs avec une grenade. Et enfin, il va tuer 2 mecs. Alors, il a fait mitrailleuse main gauche, mitrailleuse main droite. Il va faire encore plus fort. Il fait mitrailleuse main gauche, téléphone main droite. Ah oui. Oh, elle est géniale, cette séquence. Il tue 2 mecs comme ça. Elle est géniale, et cette séquence, je l'ai. Mais enfin, qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? C'est l'amiral Bates qui parle. J'aimerais entrer en contact avec le chef Ryback. Il est près de vous? Il est en pleine bagarre pour l'instant. Je peux prendre un message? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je vous le passe. Tenez. Oui, amiral. Le chef Ryback, c'est... l'amiral Bates. Je vois que vous avez totalement désobéi à mes ordres. Exact? Désolé, amiral. Vous pourrez toujours me traduire en cours martial si je m'en sors. On verra. Bien, alors écoutez-moi attentivement. Notre groupe d'intervention est en route, d'accord? Oui, monsieur. Nous serons couverts par les appareils du Nimitz, toujours d'accord? Donc voilà, il nous tue deux mecs comme ça, tranquille, il est face à la porte, il tire, ouais. Il est assis par terre, ça n'a aucun sens. Il joue aux échecs en même temps. Il a une partie. Petite anecdote, hein, je tiens à dire quand même que c'est le seul film de Steven Seagal qui a été nominé aux Oscars. Oui. Voilà. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? C'est une très bonne question. Pour quelle raison? Même les Oscars se sont posé la question. Nominé à quoi? On sait pas, mais. Ah, bien aimé. Cette année. Et moi, j'ai trouvé que la bande-son était bonne. J'ai trouvé que plein de choses étaient très cool. Hein. La bande-son, il y a des moments quand même qui font un petit peu penser au générique des enfants de la télé. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais. Mais non, mais c'est Jimi Hendrix. Ouais, c'est Jimi Hendrix. Voodoo Child. Mais c'est pas celle de Jimi Hendrix dont je parle. Non, mais c'est pas de celle-là dont je parle. Si, c'est celle-là dont tu parles. Je te le garantis. C'est solo un peu craignos, hein, parfois. C'est vrai que dans ce film, il y a le plus petit montage de l'histoire du montage qui dure à peu près 10 secondes, parce que tu peux pas faire un montage cool parce qu'il se passe vraiment rien de cool sur un bateau. Du coup, ça dure 5 secondes avec la musique de Jimi Hendrix. Ils sortent du champagne, ils font péter un avion et hop, fin du montage. Quoi. 5 secondes, quoi. Mais en même temps, c'est ça qui rend le film aussi agréable. Bah oui, c'est efficace. Mais efficace. on sent qu'ils ont vraiment, qu'ils avaient vraiment le bateau. Ils ont filmé des milliards de plans du bateau. C'est super cool. Moi, je suis très intéressé aux cuirassés en général. J'ai plein de maquettes. Et là, en voir un de près, j'ai au moins 2-3 maquettes du Missouri. Je vais t'abonner aux éditions Ravensburger. Dans le fascicule numéro 2, justement, j'attends mon petit cigale à mettre dessus. Et alors là, c'est, là, je suis très content parce qu'à la fin, il va y avoir pas mal de montages. Et là, il y a le premier montage, atelier chimie. Avec un missile qui dure, ça dure au moins une minute. C'est la bombe qu'il va mettre sur le sous-marin. Ouais, c'est la bombe qu'il met sous le sous-marin. C'est hyper compliqué. Ouais. Avec un moi, j'ai quand même noté scène de la poterie dans Ghost. Ah mais... oui j'y ai pensé. Mais avec un missile. Ils vont masser un missile avec elle, tu vois. Et c'est très phallique un missile, ça va être parfait. Ah non. Oui, ça c'est sûr. Par contre, la question c'est pourquoi il se fait un travail. Ça, on sait pas trop. Ah bah, c'est 10 juillet 89. Bah oui, et non, et d'ailleurs, vous savez que normalement, dans le scénario original, elle existait pas, et c'est Steven Seagal qui a ajouté, en fait, ce personnage, lui. Et il a dit, et je veux que ce soit, juillet 89. Non, mais normalement, elle était pas là, et c'était pour, ajouter un sidekick et de l'humour au film, en fait. C'est trop nul. Ouais, franchement, ils auraient dû l'enlever et mettre Bruce Willis, et c'était le meilleur film du monde. Non, mais vraiment, je le pense vraiment. Mais du coup, Bruce Willis qui sortait du gâteau en mi-juillet 89. Et sans Steven Seagal, enfin, c'est... alors là, ça me fait hurler de rire parce qu'il fabrique son missile, sa super bombe. Le plan d'après, il est en combinaison de plongée près du sous-marin. Là, il y a un cut qui est quand même assez sévère. Mais là, c'est le moment où il y a tous les cuts là. Parce qu'au moment où il met la bombe, après, deux secondes après, il se retrouve dans la piole avec la nana. Et il n'est pas passé, enfin tu sais, après avoir tué le gars, et il n'a pas couru, il ne s'est pas planqué, il n'a rien fait, c'est-à-dire il est dans une piole planquée en deux secondes, quoi. Tu comprends pas pourquoi. Bah, non, déjà quand il descend en mer. La mer, je la trouve bien calme, hein, parce que, tu sais, limite, c'est le Pacifique. Mais juste il doit y avoir une houle de 4 mètres, le mec, il est noyé instantanément, quoi. Non, mais juste avant, ils ont mouillé l'encre. Donc, je sais pas si c'est la traduction qui est chelou, et pour moi, on mouille pas l'encre. Ouais, drôlement mouillé. Bah oui, il est allé la rincer au Karcher. Mais tu sais, t'as l'impression que le bateau, il est en train d'avancer méga vite, et là, il jette l'encre, et bim, ça s'arrête, il n'y a pas de vague, c'est normal. Il n'y a pas de vague, tu sais, le sous-marin, il est collé au bateau, normalement, Surtout que lui, il est en slip de bain avec un tuba. Hein. Après, je pense que c'est les mêmes bateaux que dans Pirates des Caraïbes. Hein. On monte, on descend, oui, c'est tranquille. Ouais, ouais. Il va flinguer un mec depuis l'eau. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur le sous-marin à lui tirer dessus à bout portant. Ils vont pas le tuer. Lui, il va sortir de l'eau une seconde. Bam, il va tuer un mec. Kratos. Ouais. Enfin, il se prend quand même un bon coup d'encre. Ouais. C'est le seul moment où il se fait blesser dans le film. Ouais. Ouais. Il se prend les petits bobos. Ouais. Du coup, cool. Atelier couture. Il y a tous les ateliers. Et on va voir comment construire tout. Atelier couture, parce que la nana, elle va le recoudre. Mais à la base, je crois que c'était un film pédagogique pour il voulait enseigner aux petits jeunes dans toutes les écoles. Faire. Et alors c'est là qu'il y a le personnage le plus mystérieux du film, l'ouvrier italien. Mais oui, parce que c'était vraiment juste pour placer que les Italiens étaient feignants, quoi. Mais en train on ne peut pas réparer, on ne répare pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Ils ont appelé un ouvrier de chez Fiat ou et en principe, c'est quand même un sous-marin nord-coréen où tout le monde parle italien. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est souvent le cas. Non, non, attends, moi je l'ai vu en VO, le commandant est français. Non, en VO, t'as un commandant français, mais le gars qui est dehors, il est quand même italien. Ah, oui, le mec est quand même italien, mais le commandant, il est français. Mais c'est quand même un sous-marin nord-coréen, quoi. Oui, c'est un sous-marin nord-coréen. Ça va virer chocolat pour ce sous-marin, car là, il va y avoir le montage, mon préféré, le montage missile. C'est-à-dire, pour ceux qui savent pas, à l'avant de l'énorme destroyer, il y a 3 canons, c'est des trucs anti-aériens, mais d'une violence maximale. Mm-hmm. Pour ceux qui savent pas, hein. Et eux, ils se disent, eh ben, on va tirer sur le sous-marin avec ça. Et là, en 4 minutes, ils vont viser le truc, armer le machin. Genre, ça va, ils sont drôlement doués. Ah oui. Et dans la salle des manœuvres, Philippe ne voit rien. Oh, joli, joli. Excellent. Bien joué, bravo. Excellent. Et là, le sous-marin explose. Et là, ça me fait vraiment marrer. C'est d'un seul coup, c'est comme si jamais il n'y avait jamais rien eu. Ils sautent de joie, c'est la fête des voisins. On sentait bien venir. Ils partagent un petit truc. Et là, c'est la scène finale. Le face-to-face, quoi. Il y a un face-to-face avec Philippe. Le couteau tout couteau. Le knife to knife. Ouais, le knife to knife. Moi, je comprends pas pourquoi il chauffe autant, Philippe Manœuvre dans le truc. Parce que, tu sais, ils sont face à face et l'autre, il est posé, il a pas d'armes, il est là comme ça, il le chauffe à fond, quoi. Tu vois. Les mecs, c'est bon, calmos, quoi. Bah, surtout, ils règlent leur compte au couteau. Alors, il faut quand même préciser qu'à un moment donné, Steven Seagal gagne évidemment à la fin. En fait, il arrache le couteau de Philippe Manœuvre avec les dents. Ouais. Et il lui plante le couteau en haut du crâne. C'est-à-dire, avant de lui arracher l'œil à main nue quand même. Oui. Philippe, après ça, à mon avis, je ne veux pas faire d'anatomie, pas compris, mais ils disent à un moment qu'ils s'étaient déjà vus avant. Oui, et par contre, ça s'est pas expliqué en effet. Et j'ai pas compris. Il y a peut-être eu des coupes au montage, ouais, c'est possible. Julie, t'as des infos là-dessus? Julie? Non, mais si, non, mais si, ça s'est sous-entendu qu'en réalité, c'est tous les deux d'anciens styles. Ça, il dit. Je vous reconnais, il l'appelle sœur, donc tu comprends que c'était son ancien chef, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais. Et il va lui, de toute façon, il va lui arracher l'œil et lui planter le couteau en haut du crâne. Ouais, alors après. Hyper violent, ça aussi, hein. Ouais, ouais, ça fait un peu mal, c'est un peu le sang orange de la fin des années 80 que j'aime pas trop ce sang-là, il est un peu trop clair à mon goût. C'est pas mon préféré non plus. J'en ai des échantillons à la maison. Et alors après, c'est vraiment la turbo happy end, il va kisser la meuf devant tous les marins qui sont trop fans et tout. Genre. Est-ce que justement, il y a un truc qui m'a marqué, c'était. Ouais, ça va être la fin du monde. Il envoie quand même une bombe sur Honolulu, quoi. Faut arrêter, les mecs. Non, mais c'est là où je vais attaquer Sochaux, je vous connais. Et tu sais, en plus, dans on en a pas parlé, mais tu sais, la réunion de crise avec le président et les généraux et tout, tu sais. Ils foutent rien pendant tout le temps. Ils font que causer. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Quelle ville va-t-il attaquer? Sochaux. On est perdu. J'ai ma maison secondaire là-bas. Et ma fille a l'habitude d'y faire du cheval. C'est complètement ça, c'est ridicule. Donc, c'est la super happy end. Et en tout, donc, j'ai compté, il a tué 36 personnes sur le bateau. Bravo. C'est un moindre mal. Plus une soixantaine, puisqu'il tue les mecs du sous-marin. Ce qui fait à peu près un total de 100 personnes en une soirée, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Donc j'ai adoré ce film. Un dernier avis, messieurs dames. Moi, je suis prêt à le revoir demain, s'il faut. Moi, non. Moi, je le revois tout de suite. Moi, vraiment, hein, je suis prêt à le revoir très prochainement. Non, j'ai adoré. Mais moi, j'ai eu une petite déception de ne pas le voir en VF quand même. J'aimerais bien le voir en VF parce que les extraits que vous avez. Il y a le mec qui double Homer Simpson. Il y a plein de mecs qui doublent le dessin animé Tintin. Il y a tout le monde. Il y a une voix grave de Senseiya. Enfin, je suis très enchanté. Je retourne en enfance. Vu le titre canadien, j'imagine en canadien, ça va être pas mal. Ça va être intéressant. En même temps, c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc j'étais quand même bien content de le revoir. C'est de là que vient ton petit côté rocker. Non mais c'est vrai, il fut bien. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Il est vachement bien ce nouveau jingle. T'es content qu'on a mis ton jingle? Je suis soulagé, hein, je peux le dire. Je suis très déçu, assez peu de commentaires 5 étoiles. Merde. Alors qu'il en mérite quand même. On aurait dû inventer les 6 étoiles. Il en mérite un milliard. Alors on a J'aime bien, qui nous dit Steven Seagal, c'est prévisible, donc reposant. C'est bien moi, ça. Moi quand j'ai vu The Suspect, j'étais crevé. J'ai dû poser un arrêt de travail. Alors, Seagal à son meilleur niveau, qui nous dit. Je crois que c'est plutôt le titre, hein. C'est pas son pseudo. Je sais pas. Mon film préféré de Steven Seagal. Seagal. Avec Désigné pour mourir, que j'ai pas vu d'ailleurs. Plusieurs raisons à cela, de points. Présence et très bonne interprétation de Tommy Lee Jones et Gary Busey en tant que crapule. Nombre scènes de combat à main nue, arme blanche et arme à feu, il y en a vraiment pour tous les goûts. Approchez. Et vu que c'est un film avec Steven Seagal, le réalisme est garanti. 2 points, un coup égale un mort. 5 étoiles. C'est réaliste. Alors ensuite, on a un commentaire du Maltese, et ça, il m'a fait rire. En fait, il est ultra, ultra second degré. Mais on dirait un résumé de Greg, en fait. Ça m'a fait marrer. Là, c'est Steven Seagal qui est cuistot sur un bateau avec une pute et des trafiquants d'armes. Il reprend plus le train, vu comme c'était la dernière fois. Les trafiquants tuent le capitaine, son vieux pote du Vietnam. Alors là, Steven Seagal, il aggrave les boules. En plus de ça, le chef des trafiquants, il veut voler une bombe atomique, puis la faire péter sur San Francisco. Là où il y a sa petite nièce qui était dans le train avec les terroristes roumains la dernière fois. Du coup, ça lui met encore plus les boules à Steven Seagal. Alors il prend son couteau et il va leur péter leur tête aux trafiquants. Le mec, il a écrit son commentaire juste pour nous. Quoi. Mais le chef des trafiquants, il est malin. Ah ouais, malin. Il lui envoie une grenade à Steven Seagal et ça lui pète à la gueule. Alors là, Steven Seagal, il est carrément énervé. Alors il se met un pansement. Puis il fait une clé de bras au chef des trafiquants. Puis il lui marave sa gueule. À la fin du film, Steven Seagal, il met le chef des trafiquants en prison. Puis il va à l'hôtel avec la pute. 5 étoiles. Et dernier commentaire. C'est pas ça du tout. Et dernier commentaire, un visiteur qui dit un des chefs-d'œuvre du film d'action. Grand respect à Monsieur Seagal. Ah, le monde voit enfin l'utilité de pratiquer l'aïkido dans un porte-avions. Je Voilà, c'était notre avis sur le film Piège en haute mer. J'espère que ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On rappelle rapidement les bails du chapeau, Mickaël. Ah bah chapeau, vous pouvez nous proposer des films sur Facebook ou Twitter qui seront intégrés dans le chapeau où il y a déjà un certain nombre de films, je crois plus d'une centaine encore. Les films, il faut les proposer sur iTunes sans bien iTunes, évidemment un commentaire. 5 étoiles. Merci Barbara, c'est exactement ce que j'ai dit. Et sur iTunes en effet, et ils seront intégrés au chapeau et ce sera tiré au sort avec un peu de chance. Parfait. Et il y a un jambon à gagner si votre chapeau tire au sort. Et mettez des films français s'il vous plaît. Ah oui, on est en panne de films français. Moi je suis pas chaud. Voilà, voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du film Judge Dredd. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.